l'odeur de l'argent est si forte qu'il est difficile d'avoir tort. Mon pays est tellement symbolique, alors je montre qu'il est unique, au point d'aller dans le monde, effacer tout, même les ombres, avec mes idées, fruits du bonheur qui ne concerne que mon cœur. Esclave de mes idées spirituelles.